Exercice 2. Et pour terminer ce journal, une initiative intéressante. Des élèves d'un lycée d'Angers ont organisé eux-mêmes un système de transport collectif pour se rendre à l'école. En effet, ils trouvent que leurs parents contribuent à la pollution quand ils les emmènent chaque matin dans leur voiture, et ils ont donc décidé de se mobiliser. Ils ont demandé à leur établissement d'affréter un bus spécialement pour eux. Cette mesure a été accueillie avec enthousiasme par les responsables et par les parents, ce qui montre une fois de plus que les jeunes ne sont pas indifférents aux problèmes d'environnement.